Tonight's performance features the Ornette Coleman Quartet. Ladies and gentlemen, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la saison estivale de l'Asile de Plusieurs sur antenne du 94 MHz ou en streaming à partir du blog de l'émission, par exemple du mixcloud.com/renman ou encore sur le site asile35.blogspot.fr. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces programmations ainsi que les playlists qui sont à jour depuis à peu près 2 ans. Cette semaine, comme la prochaine, un programme totalement fantabulesque qui sera consacré à Ornette Coleman, le saxophoniste américain disparu le 11 juin dernier. Il fallait bien un diptyque pour rendre hommage au saxophoniste qui a poussé les limites du jazz dans des dimensions inouïes. Alors je vous propose cette semaine plutôt d'attaquer avec les débuts d'Ornette Coleman et la période des années 60. Ornette Coleman qui est né donc en 1930 au Texas et qui a grandi dans une famille plutôt pauvre. Il a commencé à s'intéresser à la musique dans des orchestres notamment de rhythm and blues du sud-ouest des États-Unis. Et à la fin des années 40, il s'est installé à la Nouvelle-Orléans. Puis après, il s'est fixé à Los Angeles dans les années 50 où il a commencé à exercer différents métiers et il a surtout fait la rencontre de son complice, le trompettiste Don Cherry, avec lequel il va partager pas loin de 30-35 ans d'aventure musicale. Ornette Coleman qui a publié En Dents de Scie avec des creux de quelques 5 ans, 10 ans dans sa carrière. Celle qui l'a fait le plus connaître, c'est les années 50, la fin des années 50 et les années 60. Je propose d'attaquer avec certainement la composition d'Ornette Coleman la plus reprise et la plus célèbre. Il s'agit bien évidemment du Lonely Woman qu'il a enregistré en 1959 à l'époque avec son orchestre, le quartet relativement classique dans lequel on retrouvait le saxophoniste aux côtés de son camarade Don Cherry, également Billy Higgins qui était à la batterie et le contrebassiste Charlie Allen Chêne, avec lequel il se produira aussi pendant 25-30 ans. Le disque s'intitulait The Shape of Jazz to Come. Je propose d'écouter cette session enregistrée en Californie, à Hollywood, le 22 mai 1959, très exactement. On attaque cette sélection autour de la musique d'Ornette Coleman avec Lonely Woman. Thank you. À l'instant, dans l'asile plus sûr, deux disques de la période qu'on pourrait appeler classique du quartet légendaire d'Ornette Coleman de la fin des années 50, dans lequel on le retrouvait en compagnie du trompettiste Don Cherry, du bassiste Charlie Haden et de Billy Higgins à la batterie. Ça avait été enregistré pour les studios Atlantique. On a entendu tout d'abord le légendaire Lonely Woman de 1959, extrait de cette album, son deuxième à Ornette Coleman, The Shape of Jazz to Come, qui était enchaîné avec une autre pièce qui était elle aussi enregistrée en 1959, quasiment à quelques jours d'écart, et qui figurait sur un disque qui lui était sorti en 1970 sous le titre The Art of the Improvisers. Et d'ailleurs, la plupart de cette période se retrouve sur un très beau coffret 6 disque Beauty is a Rare Thing, qui était sorti je crois milieu des années 90, avec une quantité d'illustrations et des textes l'accompagnant. Période classique pour la musique d'Ornette Coleman, même si c'est pas vraiment ce qu'on pouvait dire du monsieur à l'époque. Il avait beaucoup de détracteurs vu son style un peu chaotique, mais lui qui a beaucoup écouté la musique de Charlie Parker et qui se concevait quasiment comme l'un de ses continuateurs, a adopté vraiment un style totalement personnel, idiosyncratique on pourrait dire, une façon bien à lui de jouer la musique, lui qui était plutôt autodidacte et qui était aussi coutumier de troquer son saxophone alto qu'il jouait parfois en version plastique pour un violon ou encore une trompette. Il avait appris lui-même à jouer de tous ses instruments et c'était pas un virtuose Ornette Coleman, plutôt un inventeur d'un nouveau style, d'une nouvelle manière de faire du jazz, et c'est ça qui ne plaisait pas vraiment à l'époque. Alors à la fin des années 50, il était encore assez protégé, même si ses disques ont commencé à avoir un petit retentissement. C'est surtout à partir du début des années 60 et jusqu'au milieu des années 60 où on a commencé vivement à la critiquer. Ornette Coleman qui se faisait encore siffler sur scène dans les années 90-2000 par des spectateurs mécontents qui voulaient voir du jazz plus conforme. On va pouvoir se rendre compte un peu de l'originalité de son style au travers de ces 3 heures d'émission. Je propose de continuer avec toujours la musique du quartet, cette fois-ci extrait de cet album This Is Our Music, qui datait lui de 1960. On écoute le titre Folk Tale. Thank you. Dans cette spéciale consacrée au regretté saxophoniste américain Ornette Coleman, vous avez pu entendre deux orchestres et deux époques assez différentes de la musique de Monsieur Coleman. Tout d'abord, une pièce qui était enregistrée avec son quartet de 1960. Donc là, c'était plus Billy Higgins qui était à la batterie, mais Ed Blackwell pour ce disque This Is Our Music, et une pièce enregistrée le 2 août 1960, très exactement, le morceau Folk Tale, qui était enchaîné avec la pièce Free par un autre orchestre dans lequel on le retrouvait aux côtés cette fois-ci de Billy Higgins à la batterie. C'était un orchestre aussi à piano avec dans ce rôle et pas des moindres Monsieur Paul Blais, avec lequel Don Cherry et Ornette Coleman ont quelque peu vadrouillé à la fin des années 50, et notamment en 1958, à l'époque de l'enregistrement de cet orchestre sur scène au Hillcrest. Le Hillcrest, qui était un club de Los Angeles, c'était un concert d'octobre 1958. Ornette Coleman, un Is Quintet. Alors le son est assez équilibré, notamment le piano est très très lointain, mais on entend vraiment bien ce que pouvait être la musique de Ornette Coleman au tout début de ses traces discographiques, avec différentes pièces qu'il va continuer à jouer dans les années 60. Donc ce disque Ornette Coleman Quintet with Don Cherry and Paul Blais Live at the Hillcrest a été édité en CD et aussi en double vinyle. C'est sorti dans les années fin des années 2000, et donc je vous passais ce morceau Free parce qu'on va bien évidemment passer au fameux Free Jazz, le disque qui a rendu célèbre Monsieur Ornette Coleman, mais sur un malentendu, on pourrait dire. Ornette Coleman qui cultive une sorte de compagnonnage assez distancé avec les musiciens historiques du Free Jazz, à peu près au moment où il a commencé, démarrait aussi Monsieur Cecil Taylor ou encore Albert Ayler. Coleman était plutôt coutumier de vouloir jouer sa propre musique. Il faisait quasiment peu de reprises, d'ailleurs de standards, et donc il s'est assez éloigné de tout le mouvement qui commençait à bouillonner aux États-Unis à partir du début des années 60 du côté du free jazz. Il enregistrera peu d'ailleurs pour les labels historiques du jazz free, je pense à ESP ou encore Impulse, plutôt des labels plus traditionnels tels que Atlantic, ce qui le marginalisera encore plus par rapport à la profession. Je propose d'écouter un extrait de ce fameux free jazz, une improvisation collective par le double quartet d'Ornette Coleman, sur la voix de gauche Ornette Coleman, Don Cherry, Scott Lafaro à la basse et Billy Higgins à la batterie, et sur la voix de droite Eric Dolphy les rejoignait, ainsi que Freddie Hubbard à la trompette, Charlie Aden et Ed Blackwell pour la section rythmique. On écoute un extrait de cette pièce cultissime de 37 minutes de Monsieur Coleman, qui était divisée en deux à l'époque sur deux faces d'un même 33 tours, et ça a été édité aussi en version CD avec un bonus, une première prise de 17 minutes 03, mais là je propose d'écouter un extrait de cette pièce de 37 minutes qui a peut-être changé le cours du jazz et en tout cas donné une coloration très étonnante au jazz des années 60. On écoute le free jazz d'Ornette Coleman. à l'instant dans l'Asie le plus sûr, un large extrait, un tiers à peu près du fameux, du grand classique du jazz contemporain, l'album Free Jazz de Monsieur Ornette Coleman, improvisation collective, un disque qui est presque un quiproquo comme je vous disais, puisque Ornette Coleman a enregistré ceci le 21 décembre 1960, ça sortira chez Atlantic en 1961, un orchestre d'improvisation collective, double quartet, c'est surtout ça qui est important pour cette pièce qui continue un peu le style des années 50-60, début des années 60 de Monsieur Coleman, mais en grande formation et en improvisation collective. On pouvait y entendre notamment Don Cherry qui faisait des pouettes et des sonorités un peu façon avertisseur de voiture, comme il faisait par exemple aux côtés de Charles Mingus. Également les deux batteurs Billy Higgins, Ed Blackwell, qui martelaient le rythme de manière assez frénétique, et Don Cherry qui virevoltait comme à son habitude. Une improvisation collective dans le langage du jazz contemporain. Ce disque est surtout important pour avoir gravé dans la cire une musique non écrite. Voilà, c'est ce qui est apparu beaucoup plus tard, quelques 20-30 ans après. Cette musique a vraiment servi les musiciens américains du jazz contemporain pour avoir donné ses lettres de noblesse à l'improvisation. Jusqu'ici, les pièces faisaient à peu près 4 minutes, 5 minutes, ce qui était aussi le cas des pièces d'Ornette Coleman des débuts. Et là, paf, 37 minutes au total d'une improvisation très très longue. Et donc, bien évidemment, les personnes qui s'occupaient de droit de la musique étaient bien embêtées, puisque la musique n'était pas écrite. Et donc, il fallait quand même qu'ils reconnaissent les auteurs. Et donc, c'est surtout ce genre de problématique qui a beaucoup marqué la scène du jazz contemporain. Surtout aussi la précocité de cette musique. Vers 1961, à part Cecil Taylor, il y avait peu de musiciens à vouloir repousser les limites du jazz. Il faudra attendre à peu près 64 et la longue pièce de Monsieur Albert Taylor pour le label ESP, New York Ear and Eye Control, pour retrouver une improvisation collective de cet ordre, ou encore les orchestres assez furieux de John Coltrane à partir du milieu des années 60. Je pense aussi à Bill Dixon à partir de 1964. Et donc Free Jazz, disque historique, disque révolutionnaire en un sens, mais aussi un disque un peu sur un malentendu ou un quiproquo. Ornette Coleman étant assez difficilement assimilable à la scène du jazz free historique. On va d'ailleurs pouvoir s'en rendre compte avec une pièce complètement différente, une pièce plutôt symphonique dans laquelle on retrouve Ornette Coleman en compagnie d'un orchestre assez étonnant dans lequel figurait le pianiste John Lewis, qui a été très important aussi pour Ornette Coleman. Il l'a rencontré vers la fin des années 50, à peu près au moment où il avait enregistré son premier album Tomorrow is the Question. Et donc le pianiste et directeur du Modern Jazz Quartet a permis à Ornette Coleman et Don Cherry d'obtenir une bourse d'études à la School of Jazz de Lenox, et ce qui a beaucoup contribué à l'invention du style de Ornette Coleman, qui est un style aussi parfois avec une écriture contemporaine assez étonnante, plutôt atonale. On pense à la musique de Arnold Schoenberg. Ornette Coleman, qui sera assez coutumier d'ailleurs d'enregistrer avec des orchestres classiques des pièces de jazz contemporain. Je pense notamment à sa performance au Town Hall du mois de décembre 1962, qui est sorti au milieu des années 60 sur le label ESP, et il récidivera bien plus tard, au début des années 70, avec la pièce Fleuve Skies of America. En tout cas, pour l'heure, je vous propose d'écouter un extrait de ce disque, cette composition de Gunther Schuller et Jim Hall, qui s'intitule, elle est vraiment très bien nommée, Abstraction. Et juste pour vous signaler que monsieur Gunther Schuller, qui lui aussi a fait beaucoup dans l'inventivité du jazz contemporain, notamment ce qu'on a pu appeler le Third Stream, où il a invité dans ses différents orchestres à jouer ses compositions obliques, quasiment tout ce qui bougeait du jazz américain de la fin 50 et des années 60. Monsieur Gunther Schuller nous a tiré lui aussi sa révérence. C'était peu de temps après Ornette Coleman, et Gunther Schuller, lui, est décédé, je crois, vers le 20 et quelques juin. Donc quasiment coup sur coup, ces deux musiciens qui s'appréciaient se sont carapatés presque ensemble. On écoute un extrait de ce disque qui était sorti en 1961, pièce de Gunther Schuller et Jim Hall, le morceau Abstraction. Thank you.

Vous êtes toujours dans les îles de plus sûres en compagnie de Ornette Coleman et cette fois-ci de son trio du milieu des années 60, le trio très classique d'Ornette Coleman qui avait arrêté, je crois, s'était mis un petit peu en marge de la musique à partir de 1962 pour mieux revenir en compagnie de deux nouveaux musiciens, une section rythmique de folie, le contrebassiste David Isenson et à la batterie Charles Moffett. Ensemble, ils avaient gravé une grande page du jazz contemporain entre 1965 et 1966 principalement, et ce qu'on entendait est extrait du fameux double album At the Golden Circle de Stockholm, donc des sessions enregistrées en concert en Suède le 3 décembre 1965. C'était publié quelques temps après par le label Blue Note, et Ornette Coleman avait troqué son saxophone alto pour son crin-crin, le violon et aussi la trompette, chose qu'il adorait faire jusqu'à quasiment sa disparition. Il jouait assez souvent aussi de ces deux instruments, en plus de son instrument fétiche, le saxophone alto. Et le magazine Downbeat ne s'était pas trompé, il l'avait élu saxophoniste de l'année en 1966. Ce qui prouve un peu la notoriété du monsieur dans les années 60, même si il continuait à être conspué assez souvent par ses pairs. Je pense notamment à Miles Davis, qui détestait Ornette Coleman et surtout sa musique. On va continuer avec un autre orchestre, cette fois-ci de 1968, et pas des moindres non plus, une nouvelle section rythmique en la personne de Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie, les musiciens réguliers des orchestres de John Coltrane. Ça a été enregistré peu de temps après la disparition du maestro en 1968, très exactement à New York, au mois d'avril et de mai. Ça a été sorti sur deux disques, l'album Loaf Call et celui que je vous propose d'écouter, New York Is Now. Et cette ode à New York n'est pas très étonnante pour un musicien qui s'y est établi à partir de 1960 et qui est décédé d'ailleurs. Il a vécu toute sa vie pendant quasiment 55 ans, en tout cas monsieur Ornette Coleman, dans la Grande Pomme. Et on retrouvait dans cet orchestre le saxophoniste Dewey Redman, ce qui permettait à Coleman de s'émanciper du saxophone alto, Dewey Redman jouant lui plutôt du ténor et assez régulièrement d'officier à la trompette ou encore au violon. Et Dewey Redman d'ailleurs était souvent aussi avec un instrument traditionnel qu'il appelait le musette, sorte de hautbois moyenne orientale qui jouait de manière assez frénétique. Et là je propose d'écouter une pièce qui est assez gaguesque. Interrupt for a commercial. Thank you. special is brought to you by... Bye. Bye. Thank you. Une triplette de titres des années de la période 68-69 d'Ornette Coleman pour clôturer la première partie de ce diptyque. On a démarré avec New York Is Now, son disque pour Blue Note en compagnie de la section rythmique de John Coltrane, Elvin Jones et Jimmy Garrison, qui était enchaîné avec l'extraordinaire Friends and Neighbors, qui était un enregistrement à New York en concert le 14 février 1970, publié par le label Flying Dutchman, avec une chorale qui était très très Black Power et qui était enchaînée avec le titre à l'instant du extrait de l'album de Ornette Coleman At 12, enregistré à New York aussi le 16 juillet 1968 et qui est l'un des rares enregistrements pour le label Impulse de Monsieur Coleman, et on y retrouvait son fils Denardo Coleman qui avait 12 ans à l'époque, d'où le titre de cet album. Ornette Coleman qui s'était pas mal fait remarquer en faisant jouer son fils à 10 ans sur un enregistrement qui était sorti chez Blue Note en 1966, The Empty Foxhole. Ça n'avait pas vraiment contribué à sa publicité, ça avait fait même plutôt scandale qu'il fasse jouer son fils qui était un batteur débutant mais sacrément dans le coup déjà, avec un drive façon Sonny Murray, totalement free dans le jeu. Et il fera partie de pas mal des incarnations de ses projets à partir des années 70, de la fin des années 70 notamment, et des années 80-90, les différents orchestres de Ornette Coleman sous le nom de Prime Time. On découvrira tout ça dans la deuxième partie de l'émission, de ce diptyque autour de la musique du regretté Ornette Coleman. Mais je propose de conclure avec un dernier album, un extrait du fameux disque Chapaka Suite, publié par le label Columbia en 1966. Chapaka qui était à l'origine une bande-son pour un film un peu emblématique de la Beat Generation. On y retrouvait pas mal de gens de la scène Beat, notamment William Burroughs et Allen Ginsberg. Ornette Coleman faisait une apparition également, de même que Ravi Shankar. C'était joué notamment par Jean-Louis Barrault, ce film de Monsieur Conrad Rooks de 1966, où Monsieur Rooks d'ailleurs jouait son propre rôle, le rôle d'un hippie junkie un peu en goguette dans le monde entier. Et je propose de terminer avec un extrait de cette musique qu'avait composée Ornette Coleman, mais qui avait été considérée comme trop introspective pour que ça figure sur un film. Donc on y retrouvait notamment sa section rythmique de 1965, les extraordinaires David Isenson et Charles Moffett, avec lesquels il a enregistré plusieurs albums très très chouettes au milieu des années 60, notamment je pense au disque La Clé des Champs ou encore Ruth Crazy, qui sont des albums qui sont sortis bien plus tard au début des années 70. Et on le retrouvait aussi aux côtés d'un orchestre pour une pièce très spectrale qui va faire une excellente conclusion à cette première partie d'émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur le site asile35.blogspot.fr avec les références des titres qu'on a écoutés ce soir. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.